Les petites histoires de Tell Me. Edmond Le Bourdon. Être apprécié des autres et se faire des amis n'est pas toujours facile. C'est le gros problème des bourdons. C'est le cas d'Edmond, un petit bourdon géant tout poilu. Il a pourtant le droit d'être aimé, à sa très juste valeur lui aussi. Il est tout doux, il peut voler, faire des loopings n'importe où, et il ne pique que si le danger est imminent. Alors quoi? Il n'y a pas de raison. Et puis, en plus d'être un excellent pollinisateur, Edmond n'est pas n'importe quel bourdon. Il vient tout droit de la lignée dite de Dalbom, une espèce en voie de disparition à cause des pesticides. C'est comme ça qu'il a perdu sa propre colonie. Il est tout seul, et cette situation le désespère. Posé sur son petit brin d'herbe avec la larme à l'œil, Edmond s'interroge. Où trouver de la compagnie? Il y a bien Hector, le labrador, chez les humains d'à côté. C'est ainsi que Edmond se lance et décide d'aller faire connaissance avec le chien des humains. « Salut Hector !» dit-il en virevoltant autour de sa grosse tête poilue. « Ça te dirait qu'on joue ensemble de temps en temps? Ça pourrait être vraiment chouette. Et puis, des humains ont l'air amusants. »« Je vois. Mais vu ton physique, ça peut être compliqué d'approcher les humains. » Edmond veut répondre, mais le chien le coupe en se rengorgeant. « Les humains vous détestent, tout simplement. » Ils n'ont qu'une envie, c'est de vous voir écrasés par terre ou contre une vitre. Vous faites partie des nuisibles. Vous êtes des nuls, des losers moches, dit-il en étouffant un rire moqueur. Edmond est très surpris d'entendre de tels propos. Sa colonie et surtout ses parents lui ont toujours dit qu'il était un très joli petit insecte. Évidemment, c'était sans compter le fait que les chiens sont les très bons amis des humains. Ils leur font des fêtes, des léchouilles et font semblant de comprendre ce qu'ils disent. À côté du chien, Edmond ressemble à une petite araignée qui aurait trop mangé à Noël, il faut bien l'admettre. Hector a raison. Vu comme ça, le petit bourdon ne donne pas envie, et ce, même s'il s'est parfaitement butiné. Hector aperçoit ses maîtres dans le jardin qui lui envoient une balle. Il s'élance pour l'attraper avec grâce le poil soyeux au vent. « Tu vois, mon rôle, c'est de leur faire plaisir, et en échange, ils me donnent à manger et me font des caresses. Toi, tout ce que tu leur donnes... « C'est le bourdon, mon pauvre !» Hector éclate d'un rire goguenard. Il regarde Edmond de haut, hausse les épaules et s'en va. Le bourdon n'a qu'une envie, le piquer sur la truffe. Mais il se ravise, si le chien l'avale, tout est fichu. Offusqué par tant de mépris, il décide d'aller voir du côté des humains. Il choisit son poste d'observation. Ce sera le pétale d'une fleur de laurier rose. Deux bambins apparaissent dans le jardin en courant, babillant et octant d'excitation. En voilà deux petites personnes sympathiques comme tout. « Louise, Sacha, à table !» s'exclame un autre humain plus gros. « Tiens donc, je ne savais pas que les humains avaient eux aussi des noms d'espèces. J'ai l'impression que ça nous fait un point commun. » se réjouit Edmond d'un air entendu en frottant ses petites pattes. « Bien, toute la famille semble réunie, c'est le moment idéal pour se montrer. Surtout... Restez poli, sans en faire trop, tout en restant soi-même. La bienséance, Edmond. Rappelle-toi ce que disait ton ancienne reine. » Edmond est si excité qu'il s'élance sans réfléchir. À l'abordage! Le voilà qui fonce à toute allure en direction des humains attablés. Il ralentit, prend le temps de faire trois loopings juste pour le plaisir et se pose tout en douceur, mais aussi tout en bruit près de l'assiette d'un des petits humains. Il ne faut pas un quart de seconde à ce dernier pour pousser un cri strident et courir à l'autre bout du jardin. « Mais qu'est-ce que ?» se demande Edmond un peu effaré. « Un second cri, très aigu, retentit, c'est celui du gros être humain qui a le moins de poils sur le visage. » Edmond voit s'abattre sur lui une serviette de table. Il bondit en avant, tente de se stabiliser en vol et dans la foulée d'éviter les coups de serviette intempestifs. « Mais enfin, arrêtez! Je veux simplement discuter et faire connaissance » bourdonne-t-il. Il tente de calmer la situation en se posant sur la tête de l'autre petit humain. Grave erreur. Il hurle à la mort et secoue la tête du mieux qu'il peut. Edmond perd l'équilibre, vacille, mais réussit à redécoller. « Sale bête, va-t'en !» crie le gros humain avec des poils sous le nez. « Mais je ne vous veux aucun mal, je vous dis !» suffoque Edmond. Mais l'humain ne l'écoute pas, trop occupé à tenter de l'écraser entre ses grosses mains toutes boudinées. « Situation urgente de repli !» Le petit bourdon est épuisé. Il frôle la catastrophe avec la serviette de table tueuse. Difficile de savoir qui est le plus paniqué, des humains ou de l'insecte. Peu importe, la tentative d'approche a clairement échoué. Quelques fleurs plus loin, Edmond se pose pour reprendre son souffle. Un sentiment de grande tristesse l'envahit. Personne ne veut donc être son ami, et encore moins jouer avec lui. Que va-t-il devenir tout seul dans ce vaste monde ? Tu n'es pas le bienvenu. Dégage d'ici, vilain bourdon. C'est Hector, ce méchant chien qui en remet une couche pour enfoncer Edmond encore davantage dans ses idées noires. Laisse-moi tranquille, veux-tu ? Répond Edmond. Non, c'est toi, bourdon, qui nous laisse tranquille. Hector grogne et montre les crocs. Allez, va-t'en, ou je t'avale ton cru. Edmond n'a pas vraiment le choix, il s'envole. Le bourdon se lamente. Il est un gros nul tout moche. À cette pensée, il verse quelques larmes. Soudain, il entend quelque chose. Les fleurs se sont mises à fredonner un air très doux et agréable à écouter. Le vent s'est levé aussi. Il y a quelque chose qui a changé dans l'atmosphère. Il aperçoit au loin une chose qui vole. Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? La bestiole s'approche de lui. Craintif, il recule dans la fleur sur laquelle il vient de se poser. La petite bête volante se rapproche de plus en plus. Le bruit qu'elle fait est familier. C'est un bourdonnement. Délicatement, elle se pose sur une fleur à côté et observe Edmond qui n'ose la regarder. « Bonjour. Tu butines tout seul comme un grand ? » demande-t-elle d'une voix rassurante. « Non, » répond Edmond en essayant de dissimuler ses gros yeux mouillés. « Je cherche... Je voulais... Je ne sais plus, je crois. D'où venez-vous ? » Elle continue de le fixer. « De loin, mon petit. Tu connais un peu les environs ? Je cherche un endroit tranquille pour installer ma petite colonie. »« Ah, je vous déconseille de rester ici, madame !» s'exclame Edmond. « Le voisinage n'est pas très accueillant. »« Je ne suis pas une dame. » « Je suis une reine, » corrige-t-elle avec un sourire. « Tu m'as l'air bien seul et triste, petit bourdon. Pourquoi ne pas venir avec moi ? Tu vivras en colonie avec des insectes volants comme toi, qui adorent bourdonner, et tu auras un tas de missions, comme répartir le nectar dans le couvain, par exemple. Tu aimes avoir des missions ?»« Oh oui, madame la reine !»« Ma reine. Pardon, oui, ma reine. » Et c'est ainsi qu'Edmond s'envola vers de nouvelles contrées avec sa nouvelle reine. Une nouvelle vie commençait, et il savait désormais qu'il était apprécié à sa juste valeur. Il ne serait plus jamais seul, ni chassé quand il chercherait des amis. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Olivia Guggenheim et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.